Ses yeux brillent comme un diamant, son parfum est envoûtant. Elle vient d'un pays lointain, y a du soleil dans ses mains. Je ferai n'importe quoi, je laverai ça que j'ai là-bas. Aujourd'hui mon cœur il fait boum, elle est douce comme un loukoum. Je serai ton Aladdin, tu seras mon Aladdin. On se fera des câlins, on mangera des pralines. Je braverai le désert, je traverserai la mer. Je t'emmènerai chez Bébert, je prendrai quatre fois du dessert. T'es plus belle que Sherazade. Je t'emmènerai dans ma casbah, on écoutera Mélissa.